Allez, Zinzin. Allez, venez vous connecter. Voilà. Ça va, les Zinzins? Tout le monde est là. Ça arrive tout doucement. Bienvenue dans mon live. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai, hein, je rejoins mon pote DJ Fou. Je regardais sur Facebook. Il dit je suis né dans une discothèque. Et c'est vrai qu'on est tous nés dans une discothèque. Hein. On a tous fait la fête en boîte. On a tous rencontré quelqu'un en boîte. Même moi, depuis 89, qui suis DJ en club. Comme DJ Fou d'ailleurs, depuis 88, lui. Un peu plus vieux. Salut Fou. On a tous rencontré quelqu'un en boîte. J'ai marié des gens qui sont connus dans ma boîte, dans mes boîtes. Ouais, on a fait la fête en boîte, on s'est bourré la gueule en boîte, on a fait plein de choses en boîte, on a connu des bonnes personnes, des mauvaises. Mais faut que les boîtes, on soit là encore et toujours. Ça va être un peu plus long que prévu, mais bon, on va revenir encore plus fort en tout cas. Ça va être un petit peu plus long à mon avis, mais bon, il faut que les boîtes existent. C'est vrai que quand on écoute, il a raison Fou, hein, quand on écoute les médias, on parle des restos, des bars, des hôtels, etc., etc. Moi, j'ai pas souvent entendu le président de la République ou même les premiers ministres prononcer le mot discothèque. Très rare. J'ai pas entendu une seule fois d'ailleurs. Il y a que chez Bourdin, on a entendu un mec qui a appelé pour reparler des discothèques, mais on n'emploie jamais le mot discothèque. Alors, à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, les discothèques ont fait partie du syndicat des hôtels, bars, restaurants, voilà, pour votre information personnelle. Donc, on fait partie de l'UMI, que je salue au passage, l'UMI 45, notamment Orléans, qui font un très très grand travail. Pour venir à notre aide aussi, voilà. Donc nous on reviendra un peu plus tard, je pense qu'on sera la dernière roue du carrosse, mais on reviendra dans d'autres conditions peut-être, voilà, on verra tout ça. En tout cas, sachez qu'on a tous été en boîte au moins une fois dans notre vie, on a fait la fête, on a rencontré des gens, j'ai marié des gens en boîte. Au gars, c'est la place, ils m'ont dit putain, on s'est marié dans ta boîte, Francky, grâce à toi. Ouais, des gens qui se sont rencontrés grâce à moi, et puis on a tous connu quelqu'un de bien, voilà, dans les boîtes. Vive les boîtes, et c'est vrai qu'il serait bien que les médias parlent un peu plus des discothèques. Voilà. Je salue tout le monde au passage, les bars, les restos, les hôtels, tout ça, tous ceux qui bossent pas malheureusement. Mais c'est vrai que le mot discothèque est pas souvent employé. Voilà. Salut Laurent, salut tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous prépare un petit mix. On va commencer à la française un petit peu avec des bons souvenirs. Que des remix ce matin quasiment. Ta gueule toi avec ton costume, ça c'est mon costume du Gardels que j'ai récupéré, que j'ai retrouvé dans mon garage. Donc je salue mon pote DJ Fou qui est là, et c'est vrai qu'il dit je suis né dans une discothèque. On est tous nés dans une discothèque, on a tous rencontré quelqu'un, on a tous fait la fête, on a tous emballé des filles ou des mecs dans les boîtes. Et comme je le disais, même moi perso j'ai des gens qui sont mariés au Gardels, et beaucoup hein, qui me disent putain on s'est marié. Voilà, donc ce petit message. Pour l'État français, pensez à vos discothèques parce qu'on paye nos impôts et on rapporte beaucoup d'argent à l'État, ça j'en suis persuadé. Hein. Voilà, vu ce qu'on paye comme charge, c'est énorme, hein, que ce soit la Spray, la SACEM, tout ça, là, c'est énorme. Salut Cyril. Bon, j'espère que tout le monde est prêt. Voilà, petit clin d'œil aux chasseurs, aux lapins aujourd'hui. Welcome la famille. Et puis on va commencer dans moins d'une minute si tout le monde est connecté. Je vous rappelle qu'il y a un numéro pour me joindre, il est là, c'est le 07, voilà, vous agrandissez. Comme dit Fou, on est tous nés dans une discothèque, c'est vrai, on est nés en boîte. Et on vous souhaite une très bonne matinée les Zinzins Family, on est tous nés en discothèque. Voilà, salut Seb, j'espère que tu vas bien, ce matin, un lapin, c'est la prog. Salut Karl, salut la Tunisie, welcome à vous si vous venez d'arriver. Salut José, le garagiste, tu vas bien mon ami? Tu es mimi comme ça, ouais. C'est un costume que j'ai récupéré, que j'avais à l'époque, que j'ai retrouvé dans mon garage, voilà. C'est une soirée Halloween en plus, avec du laisse. Pas mal, hein? Bon, les Zinzins Family, on y va, on va démarrer du français. Mon live, c'est Céline Diamant qui a remixé. Et puis, Karl, salut Gerba, il fait beau à Gerba, parce que nous il pleut en France, du moins à Orléans. Voilà, 28-30 degrés, ah la vache. Voilà, salut mon pote DJ Fou au passage. Salut Fou, big up la famille. Salut Alexandra. Tachin, je vais chercher mon casque, il est là. Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Ça va la Zinzin Family? Salut Karl. Ouais, prenez des photos, allez-y, hein. On y va, les amis. Bon, je vous ai préparé des petits remix sympatoches ce matin. Jusqu'à midi, on se connecte et on y va. Bon, ça va bouger. Salut Guillaume, salut Richard, salut Vincent, salut Grégoire, salut tout le monde. On y va, c'est parti avec Céline Dion. Salut DJ Fou! Ça va, Zaza Fou? Je vous parle de samedi après, on les aura au téléphone, hein. Le collectif fait 10 en live dans l'émission. C'est parti pour les souvenirs, les remixes, à la Zaza! C'est bon, tout le monde est prêt? On est tous là en boîte. Salut les Zinzins. Salut Nova, comment il va mon Seb? Manger les carottes, ça rend aimable. Salut mon lapin, salut mon Seb, salut Loma, salut Arnaud. Allez les enfants. Ah y a tous maintenant. On commence pour Samy, ça arrive, hein, François Valérie pour toi. Salut José. Oh ça va aller. Ce matin, salut la Zinzin Family. Salut Sabi, c'est pour toi ça. Salut Dominique, ah vous êtes nombreux ce matin, ça fait vraiment plaisir, la Zinzin Family se complète. Il y a Mike aussi qui est là, et puis samedi le collectif Médicé. Ils seront là en direct, salut Manu. Pour Samy ça. Quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les pans du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson, le monde vivant. N'attendons pas que l'amour nous trouve du talent. I love you Marie-France. Salut Seb, bienvenue à la Zinzin Family. Combien de larmes et de sourires, de mots qu'on n'a pas osé dire, de que le silence est une larme qui fait souffrir. Combien d'âmes inavouées, combien d'actions condamnées, pour les ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, on s'apprend à chanter. Et mon nom vivant, n'attendons pas de l'amour. Allez, famille. Salut toi Marvin, ça va? Ça va toi? Salut les Zinzins. Salut la famille, welcome dans le live. Thanks buddy, warm it party. Peut-être, moi je ne peux pas par la fenêtre. Je vois la terre en bas. Si tout me dépasse, même le silence et les aiguilles qui passent. Allez, les enfants! C'est ton absence. À quoi tu rêves? À quoi tu rêves? As-tu des envies? Comme es-tu la fière? Vois-tu ton lit? Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. Mon année est sans raison, le terrain ici m'est vie. Famille, salut Laurent, il y a mon pote qui a remixé Gilbert Montagnier live. Salut Florent, salut la famille. C'est que c'est ridicule, plus fort que moi. Je me déroule, je suis autour de moi. Salut Valérie. Et si tu me dépasses, ces aiguilles qui passent. Allez, la Zinzin. Salut Marie, ça va? Bienvenue dans le live. Jusqu'à midi. Yeah. qui dort. Ça c'est la famille, ils l'ont remixé, écoute. Salut Catherine. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba. Ça pour le retour, ça va être bon, la version 2020. Nota la famille. Et c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau. Qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour sera comme une musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. Ça c'est la famille, le remix. Et les souvenirs qui arrivent à Gagnès. Les faire du bruit, on est en direct à la radio. Quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Oh, oh, oh, oh, oh. Vivre entre les vagues et le ciel. Tu ne seras jamais plus belle que cette chanson dont tu t'appelles. Oh, j'ai plein de remix pour vous. Ça c'est pour l'été ça. Un panier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien. Et samedi il sera avec nous le collectif. Famille face au dos, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser, danser, danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Hey, laisse-moi en l'air. Je pensais sous les sunlights. Laisse-moi en l'air sur la gauche, sur la droite. Viens danser sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. Michael, c'est parti pour le meilleur des souvenirs. Et à la fin, je vous parle de mes invités samedi. Salut Séverine, salut Nelly. Ça, ça va te rappeler des souvenirs. Agnès, Anne-Lénane. Salut Patou. J'ai pas trop chaud, Marie-France, merci. Salut Mick. Salut Estelle. Agnès, on and on. Elle veut dire on and on, Jovi. Agnès, tu tapes Agnès. Oh yeah, baby, come on, are you ready? Le meilleur des souvenirs, salut François, salut Nadège, salut Loulou. Allez, viens nous rejoindre jusqu'à midi. Préparez les cœurs. Préparez les cœurs. Yeah. Discothèque, ça sert. Là-dessus, on a emballé à l'époque. Hein. Longue vie au club, longue vie en boîte. Rien que Boubou, je vous ai préparé plein de remix. Salut les zinzins. Salut Ludovic. Ouais, c'est un vrai, hein, c'est un cadeau de la maison de disques à l'époque. Le disque derrière moi, c'est un collector, hein, c'est un vrai. Hein. On y va, mes zinzins ? Est-ce que t'as vu le film ? Est-ce que t'as vu le film ? Virginie, est-ce que t'as vu le film ? Salut Maxime ! J'ai sorti tous les titres de la maison de disques là. Salut Stéphane. Bon, qui a vu le film ? Like a teardrop in your va me donner le titre du film. Qui est le premier ou la première qui va me donner le titre de ce film? Facile. Chanté par Roxette. Salut Eric. Tes enfants. Allez fou. Pretty Woman, bravo Virginie. C'est pour nos amis italiens qui nous regardent. Salut l'Italie. Salut Virginie. Bah oui, José, forcément, en boîte, on a dansé là-dessus à l'époque. Ouais. Un caldo que va con un sol. Ouais, José, salut José. Salut Grâce. Salut Nini. Italia, Italia, Italia, Italia. Ça, c'est la bombe de l'époque. Rivedo ancora il treno, allontanarsi tu, che asciughi quella lacrima. Bonjour Marie-Agnès Linguet. Salut Marie-Agnès, mère de Fleury. T'as vu dans l'état qu'on est, Marie-Agnès? Tonero, l'Italie. Tube des fins 70, ça, hein, en Italie. Tube à l'époque, hein. We'll be right back. Jala tu cuerpo. La droga es como una. Préparez-vous, on va accélérer. Tout le monde est prêt? Are you ready? Est-ce que tous les zinzins sont prêts? Est-ce que tous les zinzins sont prêts? Je veux des cœurs, je veux des cœurs. Tout pour la folie. Are you ready? Zinzin party, Robin. C'est parti jusqu'à midi. Woo! C'est votre mix aujourd'hui jusqu'à midi. C'est chaud hein, avant midi là. Allez, Corneille qui arrive, Lincha qui arrive, Shine qui arrive, le remix de Michael Jackson, rien que pour les zinzins. Allez, dans ta main. Jusqu'à midi, salut Chapiotin. Ça va la Chapiote, Christelle de France 3. Ma Séverine, ça va Séverine? Ouais, des groupes de 10, on va danser. Allez, jusqu'à midi, la Zinzin. Quel public ce midi là. Apéro, ouais c'est l'heure de l'apéro. Salut Gérard, à l'ancienne des bons souvenirs. Lincha, Sweetie. On y va les anciens, jusqu'à midi. Salut à Séverine qui est connectée. Salut à Marie-Hélène Slingué, la mère de Fleury-les-Aubrais qui est là aussi. Salut Fou. Salut Eric. Salut les zinzins. Allez, meilleur des souvenirs. Où les femmes possessives et entêtées, vous les femmes, toujours en train de crier, vous les femmes, sans cesse en train de fuiner, vous les femmes, parano et trop stressées. Vous les hommes, constamment en train de mentir, vous les hommes, pour sortir ou pour nous fuir, vous les hommes, devant la string, la bête sans flamme, vous les hommes. Vous les femmes. Tous sans état d'âme. Elle a mis le costumes. Les mille costumes, c'est Brine de Lapine. Nous les femmes. Salut Alex, j'espère que tu vas bien, tout le monde va bien, les enfants. Vous les femmes. Vous les femmes, c'est pour Seb ça. La passion. Nous les femmes, on cherche à construire en ton terre. Nous les femmes, c'est pour la vie et sans problème. Vous les hommes, sans cesse à déjouer vos vices. Vous les hommes, à supporter tous vos caprices. Vous les hommes, quoi que l'on fasse n'est pas assez. Vous les hommes, on veut l'amour en paix. Ça c'est bon pour finir. Jusqu'à hein. Midi. Soleil. Salut Olivier. J'adore ce mec. C'est peut-être la même voix, un sourire au coin. Tu entends la moins triste de la vie, j'ai dit. Mais si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Et tu le sais. Remets-moi, on peut faire ensemble. Remets-moi, salut Annelise. Ça me tuera bien d'apprendre. Tu sais que c'est pas vrai tout ce qu'on dit de moi. Par moi tu vas comprendre. Et si tu veux confie-moi tes convictions. Yeah, je partagerai ma peine. Allez, la famille, alors viens comme ça. On chante la même chanson avec la conscience plus saine. C'est bon pour maigrir ce costume. Hein. Hey, ça va poteau? Mon meilleur pote qui est là, Cap Dag. À poil le Cap Dag. Matin, à la fin. Ça va poteau? Salut le Cap Dag. Allez les souvenirs. C'est dans les regards qu'on croise et vous fait presser le pas. C'est voir des visages à l'emporte. Quand que derrière un jeta. Allez les arsins jusqu'à midi. Assis par terre. C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose. C'est comme un clou qu'on enfonce. Et le verre aussi petit d'eau. Assis par terre. Allez tout le monde s'asseoir, c'est bon. Assis par terre. Voir le monde qui défile et avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre. Être obligé de dire merci pour le rendre même moi. Être seul à tendre à la moindre. Être le seul à tendre. C'est bon ça, Louise dit Joseph. Ouais, je fais mon sport après avec. C'est le Cap Dag. Qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire. C'est un autre quotidien déçu qui nous rend durer amer. C'est dans ces rien qui dise tout, mais qu'on préfère entendre. Ainsi par terre, mal mon gars qui défile, et le voir trop dormir ici. Qu'un mot de toi récit par terre, et qu'on lui jette un dire merci pour le rendre même moi. Ainsi par terre, le monde qui défile, et le voir sous domicile. Que bout de trottoir, ainsi par terre, est obligé de dire merci pour le rendre même moi. Être... C'est bon, tout le monde est assis par terre. C'est bon? Être le seul à tendre. Ah, pas de carottes, j'avais pas de carottes, désolé. Je mange pas de carottes. C'est dans les regards qu'on croise et vous fait presser pas. C'est voir les visages à nos portes, flanqués derrière un Judas. Assis par terre, voir le monde qui défile et la voir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre, être obligé de dire merci pour le rendre même moi. Être le seul et assis par terre, dans le monde qui défile et la voir pour domicile. Salut Alex le routier qui nous regarde, salut Séverine la sportive. Eh ouais, tout le monde assis par terre. Jusqu'à midi, le meilleur des souvenirs français. Et puis on se quittera avec le remix de Michael Jackson. C'est maison. Allez, là, là. Parle de samedi, la belle matinée radio. Puis bientôt mon retour à la radio. Bientôt, bientôt, je vous en parle aussi. Salut Nova, salut Karl, salut Eric. Allez on danse, bah justement, alors on danse, bah oui. On a remixé Michael Jackson pour vous pour terminer. Après je vous prends, on parle un peu de la soirée, de l'émission radio samedi. Formidable. Vous êtes formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Vous êtes formidable. Force aux boîtes! Tu étais formidable, tu étais formidable. Allez, on s'en va! Formidable. Who's Super le remix. Salut Fanny, le bon remix de Francky. Tout ce qui est avec bon remix de Est-ce que tu viens pour les vacances et on y va. Salut GG. On se quitte avec mon petit remix. Est-ce que tu viens pour les vacances. Et puis je vous fais au revoir juste derrière, je vous parle de samedi. Allez les enfants, tout le monde chante pour remix. On l'a accéléré un peu. Hein. Et je vous parle juste derrière. Salut la famille. En vacances cet été. Où j'avais froid, j'étais incohérent dans l'exil du sentiment. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Amour d'enfance. Allez, d'adolescence. À demain. Stéphanie sera la famille. Allez, le final. Salut Carva, salut Marie. Est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé la voix, je n'ai pas changé la je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Ah, je vais te les finir. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Il y aura Tiad, le chanteur, pour les Orléanais qu'ils connaissent. Tiad sera mon invité dans les studios ici, enfin pas chez moi, mais au téléphone. Tiad, qui a une belle carrière, hein, et puis qui a bossé là tout l'hiver pour le cirque Aixigrus. Il a chanté, un superbe chanteur, vous allez peut-être redécouvrir ou découvrir samedi en direct dans mon émission. Et puis je les ai eu hier au téléphone. Et ils seront nos invités au téléphone. Alors je sais pas s'ils seront tous là, mais une grande partie. Le collectif métissé, Somariba, le leader, le Superman, mon ami. Et ouais, collectif métissé avec nous samedi au téléphone dans l'émission des Zinzins. Et voilà. Et puis Stéphanie Bier qui sera là aussi, notre chroniqueuse. Et Fabien Dumas aussi, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour plein de surprises. Demain, plein de grosses surprises. Salut les Zinzins. Et je vous donne rendez-vous demain. Soyez connectés, je vous aime. Mouah.